Alaykoum salam alaykoum salam alaykoum salam ouais. Je comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas quoi? Je viens, je te parle, moi, pas moi, tu comprends pas. Tu comprends pas, non. Lui, il se prend pour qui? Moi, tu as l'air, comme moi, il se prend pour qui? Toi, ma prend pour venir ici, n'importe qui, ouais, c'est debout, moi, je parle mal. Si il a parlé, moi, mal, il est soit, ouais, moi, non, non, va se frapper ici. Faut pas faire ça. Korabou, tu m'attendais au carrefour quoi? Mais attendez. Au grain du samedi, tous les samedis 20h35 et les mardis 16h15. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Toi tu viens et puis tu commences à éteindre ici les gens. Salam alaikum, salam alaikum. Ça veut dire quoi ça? Comment tu vas? Faut quitter là. Mais tu viens, tu commences à éteindre, éteindre. Comment tu vas? Éteigne la culture. Et tu me vois pas en train de lire le Coran. Hein? Alors maman m'a dit ça que lui. Oui, mais le Coran il a dit quoi? C'est pas l'argent? Ma boko wari le kara fenguta wa. Hey ya wari tama. Ni wari be fait mal du manière d'avoir. Hein? Faut pas t'en me parler comme ça. Hein? Coran, où est-ce que tu vas changer un jour? J'ai changé. Et c'est même habillé porté la semaine passée. C'est pas une affaire d'habit. Quand on parle de changer, c'est dans le comportement, c'est pas habillé. Donc tu veux dire quoi? Que le cerveau, non, c'est comme quand les soins faut laver. Mais hein? Effectivement, mais Korabou, mais moi tu me déçois. C'est dit de jour en jour, ouais. Tombe dans la débauche. Plus on avance. Salam alaykoum Allah. Wa alaykoum salam alaykoum. Comment tu vas? Comment vas-tu? Bien et toi-même? Ça marche? Ça va? Mais fais pitié, Wallah. Fais pitié, toi qui me fais pitié. Ouais. Salam alaykoum. Ouais, comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce que André que tu fais? Moi, en train de faire des parades, tout cas, façonner ta femme, non quoi? Korabou? Ouais. Tu es fatigué? André, lui, il est saoulé, façon là. Moi-même. Ouais, t'es saoulé? Ouais. Ah, non, à Karamone. Toi, tu vas me dire que moi, je suis saoulé. T'es saoulé. T'es saoulé. Oh, mais toi, t'es qui? Mais Korabou, c'est toi qui es saoulé? Oh, pardon, là. Et depuis, il est venu, Abin Anka Fela, la façon de te travailler. Attends, c'est Korabou qui pue l'alcool, là? C'est lui qui sent l'alcool, c'est lui? Il est yéné, mais oui, il est là. Korabou? Ouais. Pardon, Korabou, tu te jures, regarde. Moi, je filme pas. Les petits trucs, là. Ni ma sache ni mini d'abla, il est fallu. Tu sais, mais, eh, imam, tu sais, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il mais au doigt d'alcool là, ça mais vient. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est pas fin. C'est pas fin. Mais avec voilà un gros droit. Ah non. Voilà un gros droit. Salam alaikum. Eh, one girl, bire noir. Ouais, ça va, petit. Ouais, ça va. Bire noir, là, qui me plaît. Attends, il y a un bol en feu. Tu me ressembles quelque chose là. C'est... ton village me dit que. Eh, c'est Kawore. Ah, c'est moi. C'est changé, hein? Non, ouais. petit. Tu sais que tu vois deux de même. Ouais. Tu vois deux de comment? C'est vous qui venez ici, moi, Dédé. Hein? Il a mis chaud, on m'a dit trop. Ça veut dire quoi ça? Korabou, il est agressif l'ondo. Eh, pardon, ouais. Tout ce qu'on te dit sur l'alcool, l'alcool détruit. Korabou, il est agressif l'ondo va. Eh, lui, il commence à sauver mon cœur. Voilà, il m'a fait de Tyron trouver mon aéron. Tiens, il m'a donné à lui mettre ta main, c'est que tu mon aéron. Il m'a fait ça, c'est que tu m'y. Toi, tu m'as dit que tu fumes pas. Oui, eh, pardon, j'ai oublié. Je n'ai pas fait exprès. Mais allô, il est où? Mon cigarette, il est où? C'est son outil est mauvais. T'as tout dit contre eux. Voilà. Béo, tout c'est haram. Alfonio il est haram, il a l'oublou. Alfonio il est haram, il a l'oublou. Alfonio il est haram. Vous pouvez nous empêcher de rentrer. Moi je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est haram. C'est quoi? C'est nuisible pour ta santé. C'est nuisible quoi? C'est nuisible pour ta santé. Ça te détruit. C'est pas un titre là-bas. Il est makara. Courané il est djimé. Karan quoi le mieux? Quel côté de Coran qui dit que cigarette est haram? Afon, vous ne l'avez jamais dit que cigarette là c'est haram. Moi je n'ai même pas sur toi là. Mais j'ai dit, parce que je sais, c'est que c'est nuisible pour ta santé. Moi je sais, moi j'ai fumé. C'est nuisible pour la santé? Tu as dit c'est quoi pour la santé? Je dis c'est nuisible. C'est ça que j'ai dit, si c'est ça pour la santé, pour la santé. Korabou, à la cousson, va dormir pour toi-même, s'il te plaît. Ne rêve miracle de là quoi, je me demande quoi. C'est un téléphone de qui sonne comme ça. Il n'y a pas un téléphone qui sonne. Ah ok, c'est moi qui vibre, j'ai oublié. Eh tiens, est-ce que moi je vais te faire un bout de quoi? Parce que ne rêve moi le héros quoi. Mimi quoi c'est ça. Ni tiens ni rêve rien. Allez que la jurmou là nous quoi. On est les firons. Tiens, quand tu vas tiens les gars ne couvrent rien de la tête. Ne couvrent que moi de quoi les voilà ici là. Voilà, moi tu sais que je ne crie du coup quoi. Eh, il reste que boire rien que tu. Ni que quand tu bois qui veut boire que rien de quoi que nous. Quand les voilà ici là. Attends, quoi ça là? Korabou. Ouais. Est-ce que tu peux rentrer? Pardon. Rentrer comment? Mon cas, tu vas le déposer. Non, t'as pas dit pourquoi? Mais non, mais c'est au moins tu vas nous rendre ce service là. Mais on peut pas respirer dans ce grain. Attends, ben on a respiré quoi? En ben on a grain la kataimi. Attends, Korabou, Yeri et Kabori. Ouais. Tu défends ça? Quoi là? Mais dans l'état où il est, il est pas. C'est dit, il boit les petits petits sachets. Ouais, il boit pas de poki. Poki, quand on va la garde, c'est à quel moment pour les mika il est tant tiens ça? Mais il boit pas poki hein? Le mec il me l'aime. Mais qui connaît le mien? Ouais, bah, pour que vous voyez, c'est son eau qui est dedans, c'est liquide. Voilà, je dis quand tu rentres à la maison là. Ouais. Mais, attends, il va me souligner là. Maman, maman, au cours, elle est dans l'autre quartier, c'est dans l'autre quartier. On a un jour, quand il y a un jour, au moins sur la main là. C'est-à-dire quand les gens te voient comme ça, tu vois le black robe qui dit Ouais, attends, allez, malon, je ne sais pas sur quoi vous base pour condamner toutes les actions que les nombreux musulmans mènent pour dire que tout s'est pété. Ah ben, vous basez sur quoi? Ah, Kabore, ouais. Non, mais, moi, je tombe de nuit, hein. Non, non, mais Kabore, il faut qu'il s'explique, là. Parce que vraiment, Aïda. Oui, ça veut dire quoi? Ce non, dans les nuits, il est au boulot. Dans le Coran, d'abord, nous condamnons là. Oui, quel ça, c'est le vin. Est-ce que tu vois? Dire à la Kabou, 20 fois qu'on a connu. C'est que la boîte n'est pas le vin. C'est ce qu'il a expliqué là. Ni le bami, ni le haramou. Ni le binami, abe a fou bismillah. Tu es gorgé lui à même. Ni le non. Si tu oublies pendant que tu bois, tu dis bismillah fi awalihi wa fi akhirihi. Al-Qur'ana ni armadou kouma koukelente. C'est pas vous qui dit là. Qu'est-ce qu'il dit, Massama? Qu'est-ce qu'il dit? Lui, comprends. Non, moi je comprends rien. Tu comprends? Je comprends rien. Atke abe mi minou. Mais rien, toi tu encourages les gens. Ne pas aller boire. Qui est enfant? Regarde. Ni quoi là tu te mets monter ici. En bas là, mon roi Jimmy Kéola là. Non, peut-être le roi Jimmy Kéola là. Atke ni le mal l'enfant. Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas au l'aise, tu peux faire Wajimi. Et peut-être que tu dis jamais rien faire comme moi, tu vois. Alors, Ming Mahat Daga, ce qui n'est pas autorisé, ce qui est polyibé. Écoute la langue de Molière. Ce qui est polyibé, c'est le vin. Vin de porc. Corodisoro, ça tu prends pas ça. Mais même comment faut, mais à la clama, confort, le coup, n'a pas parlé comme ce qu'il a expliqué là. Il m'a mis qu'il y a l'enfant, capitaine de son. Est-ce que tu es comme boire? Kati, j'ai dit que vous gagnez dans ce coutoukou. Ouais, mais ça veut dire quoi? Quand tu penses à coutoukou, coutoukou là, c'est quoi? C'est pas l'homme qui a fait? Tu vas dire qu'il y a de l'inspiration? Mais ça ne dit pas rien quoi? Non, mais c'est parce que c'est ça. Cela il doit y aller payer. Certains médicaments, on dit alcool dedans. Il est à la Yimassamo. Et t'as mis, tu vois pas ça? Gabriel, attends, moi, j'ai posé une question. Imam, ton type là, ni. Lui, il vend un médicament, non? Qui ça? Lui. On m'a pas quoi, Généa Maya. Est-ce que Kourti Fourou, Flat, allé vouloir? Pourquoi il encourage le Généa? Lui, c'est gentiment direct. Ah bah, Félix, comment ça? Demande lui. Ouais, mais. Pas demande moi, Flat, à la Tlantanion, Géa. Oui. Ouais, moi j'ai vu là où est. Toi qui bois l'alcool là, alors. Donc lui, si pour lui c'est Djanama direct. Ouais. Toi qui bois l'alcool là. Quand c'est là, d'arrange pas, tu vois, camoufler, zinc, camouflage. Hein. Toi tu cours si vous ne faites pas là, tu vas pas ça. Hein. Mais oui, mais ben, faut pas t'amuser à long comme ça. Ouais. Kourabou. Ouais. Tu veux que je te dise quelque chose? Ouais, dis. Pour parler. Regarde, Kourabou. Ouais. Tu sais dans quoi tu t'es mis? T'es mis, mais dans quoi? Mais regarde. Hein. Tu sors tous les jours. Ouais. Les enfants sont derrière toi. Ouais. C'est les aphrodisiaques là, les comprimés. Il y en a de toutes sortes. Hein. Mm. Mais il y a des vieux aujourd'hui là qui meurent de ça. Hein. Ouais. Il y a le vieux, il sait qu'il ne marche plus, son compteur est à zéro. On se comprend. Donc il est dans la maison, les médicaments que les petits filles vendent, les aphrodisiaques, machin, il se bourre de ça pour juste avoir le temps d'avoir une érection normale. Et puis un matin, on se rend compte que le vieux il a fait une crise, un arrêt cardiaque. Et non, trop, c'est non ça c'est oui, vrai. Mais Mokhtar, justement, en fait, ces produits là. Mais avant ça, il faut qu'on parle des états de sachet. Non, tu as ouvert quelque chose, il faut qu'on referme ça rapidement. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a les autorités qui sont là, hein, qui parlent des comprimés qui sont vendus partout et n'importe comment. Ouais. Mais on en parle, mais la commercialisation se poursuit, il n'y a aucune sanction et tout ça. Mais moi, je ne comprends pas, parce que ces vieux-là, quelquefois, ne savent pas, je veux dire, les conséquences qu'il y a dans la consommation de ces produits. La plupart du temps, ils sont pas lettrés et tout ça. Mais quand on leur dit que le médicament est bon, bah, ils vont l'utiliser. Mais maintenant, il faut travailler pour que ce circuit là disparaisse. Non, moi, je peux dire que moi, j'ai dit les médicaments des rues là, il faut pas se fermer les yeux, c'est nuisible. C'est nuisible. C'est vrai que la population va se dire que on n'a pas d'argent, les médicaments coûtent cher à la pharmacie, c'est ceci, c'est là, mais c'est nuisible. Eh bon, t'allais pardon, faut pas nous parler des nuisibles, nuisibles. Eh, en vrai, Yedi. Moi j'ai mon sœur là qui vend les médicaments, le crucifournifla là. Ça c'est mes clients là, c'est les policiers. C'est eux, ils passent tout le temps sur le soleil là. C'est un le bas, ça. Même les poki que vous parlez que c'est pas bon là. Ouais, mais dans, à votre avis là, qui prend? Ouais. J'ai dit, les médicaments de la rue là, ne prennent pas. Non, faut prendre ton position. Avec qui y a position là. C'est-à-dire que, comme il est bien flafleur, comme toi tu vends les médicaments pharmaceutiques, voilà, il faut trouver des moyens, les politiques en bas pour dire aux imams, tu vas courir pour ma chamba, avec la lomimbarka. Faut pas vous prendre les médicaments de la rue. C'est vous qui passe en bas. Vous faites le politique. Et puis vous soutenez le gouvernement. On peut vous dire qu'à Moro ou Makosa. Ouais, ouais. Vous emmerdez l'État. Mais est-ce que tu sais que les médicaments, ça tue? Je vais te donner un exemple. Ouais. Toi, tu ne sais pas lire. Hein? Ouais. On te vend un médicament. Ouais. La personne qui se vend le médicament ne sait ni lire ni écrire. Ouais. Et elle te donne une posologie. Les composants du médicament, elle ne connaît même pas. Elle vient te vendre. Mais ni ma tiro, non. Pour refaire les talons. Ni le talafoula, ça y va à paquet filet. Il peut. Ça y a rien. Voilà. Alors, ne me pas, il m'a loco ni flalé. Tu sais pas que c'est médicament de quoi? Mais tu sais, quand tu vois la photo. Hakili tu sais. Mais est-ce que tu connais l'inconvénient? Est-ce que tu connais l'inconvénient? Est-ce que tu sais qu'il y a une dose qu'il ne faut pas dépasser? Est-ce que tu connais les composants du produit? Est-ce que tu connais les effets secondaires? Est-ce que tu sais les risques que tu prends en prenant ce médicament? Parce que ça coûte moins cher, tu vas te détruire. Alors, il y en a un tel mécanique que tawa. Voilà, mais il y en a un de yoron gore. Car il ne comprend pas. Lui, il a la bise sachée, il a eu quand il dort. Masama, j'ai dit... Korabo. Korabo. Korabo. Ouais, lève-toi, pardon. Lève-toi, tu vas rentrer. T'envoies faire là, t'envoies faire une année. Korabo. Tu as bien répondu. Est-ce qu'on a... Masama, il y a également... Actuellement, il y a un fléau. Nous tous. Ouais. Pardon. Libère-nous. Salam alaikum. Oui, pardon, faut rentrer, s'il te plaît. Où? Va à la maison. Mais regarde l'état dans lequel tu es. Et tu es abonné là. C'est l'état de Côte d'Ivoire. Moi, c'est l'état de Côte d'Ivoire. Korabo. Ouais. Pardon, va à la maison. Je ne vais pas quelque part. Envoyez l'état là, on va boire. Et puis quoi? Tu ne bois pas dans notre verre là. Ouais, donc vous n'allez pas boire aussi. Il n'y a pas de souci. Ici, Koul vient, il ne te sert pas dans notre verre. On va boire. Bon, d'accord. C'est on va casser le verre, on va brûler ici. Il n'y a pas de problème. Masama, c'est toi qu'on va brûler au milieu. C'est ça, il y a boire. Mon sachet. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Chez Orange, nous savons que la rentrée est importante pour vous. C'est pourquoi nous vous proposons le nécessaire pour réussir votre année scolaire. En plus de votre smartphone Orange Cliff à 23 000 francs TTC, bénéficiez d'un compte Orange Money avec 5 000 francs de bonus sur vos trois premiers rechargements à partir de 500 francs TTC. Au dièse. Tu mets moi, non, il dit, ça va pas dans nos verres. C'est fini maintenant. Il cache plus maintenant. Il boit devant nous. Ah, mais maintenant. Mokta, je te dis quelque chose, On n'a qu'à parler franchement. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas encourager. Ok? Déjà, il est venu, on l'a admis. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Non. Ou bien, on lui abandonne le grain. D'aller lui dire, le bébé, toi, t'es quel Talil? Tu t'assois, tu prends les palais du prophète, tu condamnes tout. Toi-même tu as dit. Mais j'ai dit quoi? Est-ce que Dieu a parlé de ça dans le Coran? Mais regardez-le. Je parle de vin. Mais Kabore. Tu n'entends le bœuf. Kabore. Ouais. Ça va chez toi? Ça va. Non, tu bois et puis tu dis pas Bismillah. Mbete Kao, je le condamne avec le premier énergie. Tu dis Bismillah et puis il la voit. Bismillah pour désobéir à Allah. Désobéir quoi Allah? Il n'a qu'à dire Bismillah pour désobéir à Allah. Allez-y. Allah koufola yoro wo yoro. Le pisa de Allah. Ayoro toi yere besanaya. Kana, c'est que tu connais pas, faut pas discuter. Et puis Dieu n'a pas parlé de ça dans le Coran. Dieu parle de vin. Non, moi je suis désolé, Kabore. Je sais pas, moi je suis désolé que toi, en tant qu'intellectuel, tu dis que tu connais le Coran, tu es en train de supporter Korabouda dans ce qu'il est en train de faire. Ouais, mais toi, tu voulais qu'il n'a qu'à faire quoi. C'est pas, quand même. J'ai dit, est-ce que ton enfant qui buvait comme ça, tu vas l'encourager? Eh, regarde. Mais c'est trop facile, parce que quand c'est les enfants des autres, on est là, on regarde, on ne parle pas. Mais ce que tu oublies là, c'est que lui là, son comportement peut empoisonner ton enfant. Parce que ça va de 1 à 2 à 3 à 4. Ouais, tu as vu, il est en train de maudire tes enfants. Non. il n'est pas bien. Donc ça veut dire que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Il n'est pas bien. Mais il est en train de maudire en fait. Toi, ton comportement, le fait qu'il souhaite que ses enfants, les enfants de Kabore, et toi, ton comportement, c'est une malédiction. Imagine ce dans quoi toi tu es, Kabore. Moi, je vais arrêter. Moi, je suis en train de trouver une solution pour arrêter. Toi, si tu es en train de laisser passer ça là, c'est grave. Quoi ça? Par exemple, quand il dit qu'il n'est pas écrit dans le Coran, sachez, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran est clair. Qu'on ait 10 000 euros, puis là, si tu as une soif, hein, tu bois. Kabore. Si ne... Kabore. Non. Tu racontes des histoires. Ouais, mais quelle histoire? Mais la vie même là, c'est histoire. Si tu connais pas histoire, tu peux pas te faire suivre sur quoi? Tu peux pas gagner une longue vie. Mais c'est irré, il est irré là-bas. Hein? Franchement. Moi, je n'ai jamais eu pitié de moi, j'ai honte de moi. Voilà. J'ai honte de moi, j'ai honte de toi. Ouais, j'ai honte de toi. Voilà. Non, Korabu, faut arrêter. Hein? Regarde, Atima, tu es en train de te tuer à petit ouais, feu. C'est vrai, c'est vrai. Aïe, alors tous les jours que tu vois là. Ouais. Alors, je pense quand même que si c'est un débat sur le fic, il m'a dit, si le connaissance au profond de ce Coran avec les lois fondamentales, il est né qu'on est. Tiens, entre toi et moi, il est rédigé. Faut avoir l'humilité de te rabaisser pour qu'on puisse quand même te permettre de comprendre les choses, les versets du Coran. Le Coran dit quoi, parlant de Abami ou l'alcool? Alors, côté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit il y a ton bon côté et puis il y a ton mauvais côté. Vous voyez quel est? Ça veut dire qu'il y a ton bon côté et puis ton mauvais côté. Donc est-ce que tu comprends le français? Côté également au bébé. Et puis il dit, quand tu remets ta cellule, il ne faut pas tu vas aller plier au moment où tu es saoulé. Est-ce que le Coran Abou Zigni Mbeyolo Minawa? Il ne peut pas distinguer le noir avec le blanc. Alors, vous voyez quel est? Frère, tu m'en as mis à Minani. Parce que les prophètes de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Umi, Allahu Akbar, Al-Katib al-Nabiyama, est-ce que tu vois? Allez-y, Al-Fatih al-Ma, faut pas me distraire avec tes conneries là. Non, là, tu vas te parler. Al-Fatih al-Ma, Oulika, allez dans la dernière ligne, il devient ouvert ce qui est fermé. Al-Katib al-Ma, ça va, va nous laisser avec les Allah, prophète, non, faut pas vous négliger le prophète. Le prophète dit, il dit, il ne mal à mal au binni yatan. Tout est lié avec ton intention. Son esprit, son intention n'est pas de boire vin. Et son intention est de boire quelque chose qui va couper son soif. Wallahi. Pourquoi Baba l'eau directement? Regarde. Pourquoi Baba l'eau directement? Non. Allez. Ne comment veux-tu maintenant? Est-ce que toi tu es un imam, tu t'assois, tu regardes un ignorant comme ça qui attaque un oulama. Et puis tu t'assois, tu ne condamnes pas avec ton bouche. Tu ne condamnes pas avec ton cœur. Tu ne condamnes pas avec ton bras. Est-ce qu'il y a imam Yoram Bimi? Kabore, je te dis quelque chose. Oui. Lui, il est ignorant. Mais si derrière ignorant là, il y a quelque chose, toi tu es derrière. C'est-à-dire que l'ignorant même est mieux que toi. Ah, quel est c'est à quel est néné c'est ça? À tes maintenant au carré. À tes maintenant néninika. Kabore. Hein? Je dis, même l'ignorant est mieux que toi. Kabore, toi tu es un poison. Moi j'ai poison. Oui, tu sais, le professeur Salam dit, c'est-à-dire une connaissance, quand elle est limitée, elle constitue un poison. C'est le cas de Kabore. Et Kabore, tu vois. Quand elle ignore. Qui est ignore? Je dis bien quand elle ignore. Qui est l'ignore? C'est qui? Wallahi! Débrouille-toi! Dis tous les noms! Dis qu'en est trois fois ignore quoi? C'est moi qui est ignore là! En tout cas, tu vas me trouver! Parce que non, moi qui dois rien, j'étais jamais manqué au respect! Faut qu'elle en ait je te manque jamais de respect! Tu connais pas les ignore ici? Tu connais pas les ignore? Kabore! Ouais! Ça aussi, t'as fini de griller. C'est cool, ok. C'est cool. C'est comment là, n'aime là. Mais tu veux que n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est n'aime. Coup, mais veut dormir. Il faut continuer de dormir. Ce sera encore mieux pour toi et pour nous tous. Continue ton sommeil. Ignore, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît rien. Ça veut dire qu'il connaît rien, quoi. Non, ignore, c'est pas ignore. Quand tu es ignore, donc tu veux dire que lui connaît rien, c'est ça. C'est ma sœur qui dit que tu es un ignore. Non, tu sais, mon papa, c'est le lieu de le dire à Kabore. Il faut que Kabore sache qu'il a l'impression qu'il sait, mais il connaît rien. T'as dit, c'est vrai, c'est choquant pour lui, mais c'est ça aussi qui est la vérité. Il faut avoir quelquefois le courage de dire certaines choses, quelles qu'elles sont. Tu vois, Kabore, tout ce que tu es en train de raconter là, c'est des conneries. Oui, oui. Non, il y a les Koumakan, les conneries. Toi, ce que tu dis là, c'est ça qui est connerie. Kabore, le Coran, t'as dit l'alcool là. Allah en a traité, Allah a traité cette question de façon progressive. Ok. Quand l'islam a été révélé au Prophète sallam, les Arabes étaient alcooliques, ils étaient consommateurs d'alcool. Ok. Et à un moment donné, effectivement, Allah a dit que dans l'alcool, il y a des effets positifs et il y a des effets nuisibles. Ok. Mais tu vas me laisser terminer. Il a terminé. Laisse-moi terminer. Pourquoi t'as dit que Wangram est ami? Pourquoi c'est l'air d'ami? Quoi ça? Pourquoi c'est les amis? Est-ce que je t'ai pas adressé les paroles? Non, non, non. Tu dis que Wan Ganaka boit. Pourquoi toi tu bois pas? On discute un numéro trop fort. Alors il ne faut pas. Il va m'attaquer. Depuis que tu es venu, la mec là, après, j'étais appelé à l'Aji. Il t'a raclé sur moi. C'est-à-dire, tu sais qu'à part. Une fois appelé à l'Aji. Mais ça, c'est parce que tu es méchant. J'aime ça. C'est-à-dire, tu es méchant, ouais. Tu es jaloux. Ouais, ça ne peut jamais finir. Maman, t'es qui? C'est comment le photo d'Aji? C'est un vieux. C'est un vieux. Voilà. Mourata, là. Il t'a bon ou non? Tu vois un homme comme ça. Moi, c'est pas la mec même là. C'est musulman, islam que vous parlez là, mais est-ce que c'est vrai là, même pour Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est bon? C'est islam, tant qu'à l'autre, est-ce que c'est pas dans ton autre vide on frappe là? Barakota Mangangachi, non seulement il est Moulibaly Afla fait, ça c'est un. Toi tu viens de deux sons sous l'art. Moulibaly Afla c'est quoi? Kourouzi Founoufla Moulibaly Afla, tu vois. Il dit mais... que c'est pas bon, ça c'est un. De toi qui es imam, tu acceptes ça, tu valides ça. Mais tu viens de lui encore, dire encore que lui il est dans la nuit. Tu as dit il est dans quoi? Bon, il est ignare. Voilà, écoute, il est ignam. Tu es ensuite ta prochaine. Bon, ça c'est un. De trois, il est resté une meilleure homme. Ici, il veut t'es meilleur là. T'es même là, c'est une dose. Ah, mais il va fumer quand il est. Comme que? Il va mettre un moment de trouver. T'es même là, il va fumer quand il est. Mais pourquoi je vais fumer? Ah, mais tu vois, pourquoi je fume? Mais pourquoi tout ça vous faites ça? What? Mais comment tout ça vous fait? Et toi, tu fais pas. C'est quoi qui nous dit? En dégrano là. Moi, mon t'as fumé et. T'es même là, le papier là. Et t'as souvent de la rave. Hein? T'es le gars pas fait là. Moi, il fume pas. Hein? Mais. Non, franchement. Non, parce que Kouma Beyoro Mina, les paroles, c'est un art. Et les connaissances, alors les bas, c'est des qui donnent les connaissances. Mouni qui l'a attendu là. C'est qui t'ont fait partir au Mac. Tu vois quelqu'un? Au Kangwele. Bi. Ouais. Hein? Quoi, il a dit beaucoup. Attends, tu connais mon valet. Et puis on dirait ton Nyangwaya là. Tu connais que je vais venir faire Wadjibou là-bas. Ouais. Tu as tout fait, tu n'as pas fait. Alors, comme le cas, quoi, là où je suis, il ne fait pas venir. Alors, au côté, il y a le nez comme le papier, le nez, voilà, ça c'est un bon recette. Ah, mais il y a un millimètre. Ouais, nez comme le papier, la camion. Et puis, d'ailleurs, même, c'est nous et moi, un des trois, ouais, il a fumé, un des trois, il a. Mais attends, même, il y a un yogit, ouais. Alors, tu es un yot, à Kavatolama, il fait un verdona. Que ça soit bimbiré, que ça soit. Alors, tu es Takula Domina, ou Takula Jive, voilà. Ah, Koutoukoula, c'est le Takula mélangé des haricots, tout ça. Maintenant, Biboua, il y a Gligado. C'est vous qui oubliez. Mais n'y va qu'à quoi? Il t'a l'occu va quand? C'est moi qui te dis qu'il veut sauver quand? C'est ça qui est votre problème. Ne va Jimmy, à un ton à Jimmy. Allo va courir de mon aïe, à tout à courir de mon aïe. Amen à ta n'y a Ah, mais c'est quand on va arriver, moi, il va vivre par là, il dit, ah, viens moi. Moi, je suis calé à côté de. Pourquoi on est dans la misère dans le temple là, il y a fait? L'imam le va en série. Ah bon, jugez. Si vous voyez qu'il y a péché, aïe à l'occu. Ouais, alors, regardez, son téléphone sonne. Non, il va. Ouais, il va. Mais il a dit quoi? Eh, il manque le téléphone. Mais souvent, il y a tes nids. On va voir quand il y a souvent rien. Bon, eh, il manque même la lui-même. Mais Yedi, qu'est-ce que tu as dit là, tu vois? Est-ce que tu veux répéter même? Péter quoi? Ouais, péter ici. Eh, non, n'est-ce pas pour toi? Là, il est. Mais demain, si tu veux répéter. Mais là, toute ma vie, là, c'est ici. Bon, tu vas un gars comme ça. Mais il y a quelque chose de plus grave. On est là, nous tous. Que ce soit les imams, que ce soit la communauté, que ce soit les fidèles, nous tous on est là, on regarde, hein. Mais les sachets qu'on vend là. Mais Mokhtar, je te dis pas. Les sachets qu'on vend là. Mokhtar. C'est pas les autres qui vendent les sachets, hein. Quand tu rentres au marché là, les grossistes des sachets alcool là. Tu sais que moi j'ai été étonné. J'étais allé faire une course avec Makalou. À Djamé. Mokhtar. Je vois un magasin. Il n'y a que les petits sachets d'alcool dedans. Et puis tu sais quoi? C'est les Madou. Ouais. Les Brahmas, les Siriki, c'est eux qui sont dans le magasin. Mon cas, je t'assure que je n'en revenais pas. Mais toi, tu as des magasins. Massama, quand tu vas dans le marché, quand tu rentres à la gare, quand tu vas à la casse, dans les différentes gares, les petites filles ont ça dans le plateau. C'est sa tête, elle se promène, elle vend rien qu'aux chauffeurs et aux apprentis de Baka. Et les chauffeurs de Baka et les apprentis ne sont rien d'autre que des petits djoulas. Mais personne ne réagit, on les regarde, ils sont en train de bondir. Madou Dengue, Chiaka Demousso, Yagoruki, Yagmaché. Mais finalement, on va rester dans sa case. Toute la population sera contaminée dedans. Ni eko balé gars c'est dit c'est très rare au cas à baser que le titre que le tag là ni Allahu Akbar et toi même donc alors toi tu es d'accord que les petites filles tu veux que les petites filles vendent ça et tu les appelles petites filles et les goûts de quelqu'un tu as tué ta soeur ici comme petite fille et mais ouais vraiment t'es mine qu'on avait coûté ma occasionné mais à moi tu poserais une question seulement dis-moi les meilleurs hommes n'ont quoi comment toi tu veux savoir si elles sont petites quitta le mouvement. Mais quand je les regarde, elles sont entre 12 et 15 ans, c'est des petites filles. 12 et 15 ans, il a regardé. Attends, lui quoi, il comprend ton regard. Il a vu, il a vu clair dans l'affaire. Il a vu que c'est le Mbremani. Maintenant, voilà. Donc il faut qu'on va dire que Madouma, ni Serou, ni Drissa Nouma. Est-ce que tu es pas là quand il y a une grève de Bakala? Est-ce que moi je vais travailler là? Eh, t'as dit pas ça, c'est bon. Des musulmans qui ont les voitures qui refusent de prendre leurs camarades. Maintenant, eh, pour ça, pour avoir courage, vous travaillez vite, vite. Et le fenomène de la côte. Mais c'est-à-dire, finalement, là-haut, à l'ouvrir sur la maillable à la côte du monde là. Moi, ce que je dis, les sachets là, si aujourd'hui, tu m'écoutes, que ta voisine, qui est une femme djoula, qui est une musulmane, qui vend les sachets, il faut lui dire que Adia, ce que tu vends là, tu as détruit tous les enfants des autres, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on se soit pour regarder ça comme ça. Quand... C'est les mêmes femmes qui vendent les médicaments par terre. C'est pas normal. Eh bon, on a vu quoi. C'est pas normal. Dieu est trop fort. Mais on est là comme ça, personne ne parle. Personne ne parle. On laisse les choses aller comme ça. Et puis on se rend compte. C'est ça qui est bon. Médicaments dans quoi? Dans voiture. Tu veux payer médicaments, faut les payer à la pharmacie. C'est bon. Mais Mokhtar, tu sais en fait, en même temps qu'on le dit, faut que l'État puisse imaginer une situation pour sortir aussi la population d'affaires. Est-ce que tu comprends? Kodabou, je peux parler. Tu sais quand tu nous représentes, il y a d'Alna Musoka qui t'a regardé la nièce. Avec ce qu'il te faut qu'à combien? Tellement peu que l'État. Président, il est beaucoup dans la. Il y a quoi pour l'État? Laisse-moi terminer mon raisonnement. Ce qui est grave. J'étais en train de dire que l'État doit pouvoir né une formule pour aider la population à éviter de s'empoisonner. Pour l'autosuffisance. Est-ce que tu comprends? Mais en France, les Français sont plus peuplés que nous. Ok, mais il y a une sécurité sociale. Oui. On n'a pas atteint ce niveau. Mais ce niveau-là. Mais ce qui est grave. Il faut travailler. Soit ta soeur, ta cousine, ta tante, ton frère, ton oncle, ton machin qui vend de l'alcool en sachet à tes frères, c'est ça qu'on doit résoudre d'abord. Laissez en faire des médicaments là. Ah, je suis désolé. Mais les gens sont en train de se tuer. Mais oui, mais tu veux quoi? T'as entre le mal et le pied, tu prends quoi? Ah, mais Mokhtar. Massama, non. Quelqu'un? Mais. Prends les pieds. Mokhtar, est-ce que le médicament de la rue, là, est-ce que c'est haram? Non, nous, parce que c'est haram dans la mesure où ça peut tuer. Mais oui. Oui, mais tout ce qui peut te tuer. Ils vendent l'alcool. Oui. Ça ne se discute pas, Mokhtar. C'est grave, ça. C'est grave, on est d'accord là-dessus. Le fleuve aujourd'hui, là, c'est ça. Mais Mokhtar. Oui. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Tu vois, ces problèmes-là existent il y a longtemps. Oui. Et on vit avec. Qu'est-ce qui existe il y a longtemps? Les phénomènes liés aux médicaments de rue. Le phénomène aussi lié à l'alcool qui commence à prendre. On est en train de parler d'émergence. De toute façon, on va revenir là-dessus. On va marquer une petite pause et puis on va revenir là-dessus. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, marhaban ya Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Ey Habib-e Khuda, Ahmad-e Mujtaba. Ey Habib-e Khuda, Ahmad-e Mujtaba. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a senti ce chanson là? Non, je vois. Si c'est bébé d'Ongri là. Depuis j'ai senti pour la première fois, puis les gens ont su que dans la communauté musulmane, si la maman était d'Ongri là, père d'Ona là, c'est quand il y avait tout dit. Quand tu veux. La Hokuno. Toi, t'as chanté quelle chanson? Ah! Donc le mulu là, si on va prendre un à un depuis cela, ou dina, ou à mais, à Kaham Touré, ou à mais, comment on appelle, Yabate, Bakri, nous nous paie. Mais Adia, Kadi, qu'on va parler des... Bon, d'accord. Arrête de parler de ta vie. Mais Mokhtar, vraiment, il faut qu'on puisse recentrer le débat. C'est vrai qu'on a abordé deux éléments très sensibles, très nuisibles de la communauté. La première. Le premier élément, c'est l'alcoolisme qui est en train de se développer à une vitesse exponentielle avec les sachets. On en parle. On se contente de déplorer et puis ça s'arrête là. Mais la population est en train de se détruire. Mm-hmm. Et sa frange la plus importante qui est la jeunesse. La jeunesse. Ok. Alors, et celle-là qui est la force vive. Si elle noie son intelligence et sa conscience dans l'alcool et la drogue, demain sera quoi? Mm-hmm. On nous parle d'émergence à l'horizon 2020. Mm-hmm. Ça va se faire avec qui? Des drogués. Des drogués. Des sous-là. On se fait l'illusion que de l'évasion, il y a des jeunes qui vont à l'école. La proportion, c'est quoi? Même ces sachets-là, les trouvent à l'école aujourd'hui. Absolument. Malheureusement, l'école aussi est devenue un centre de grande consommation d'alcool. Oui, parce que l'élève, il va avec son sachet dans son sac. À la récréation, il boit son sachet. Mais tout à fait. Moi, je connais des écoles à Djamé, à Bobo. Moi aussi, l'école est située en plein marché. Allez-y à Djamé, allez regarder un coup. L'école est dans le marché. Williamsville, par exemple. L'école est dans le marché. Donc, c'est dit, l'enfant, ça, c'est il paye son sachet. Ça, ouais. Bon, l'enfant, il paye son sachet, puis il s'en va. Mais un autre truc encore, la drogue tourne autour des enfants parce que les jeunes filles qui font semblant de vendre des médicaments, ce n'est rien d'autre que des dépôts. Elles vendent de la drogue, elles vendent des clores, elles vendent tout ce qu'elles veulent. Elles vendent tout. Mais on est là, on ne dit rien. L'enfant qui est en classe, il insulte son maître. Il ferme les yeux pour traverser la route, mais quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Mais on est là, personne ne réagit, on est là, on les regarde. Et puis quand on voit un sous là, on dit, c'est l'enfant de X. Mais ton enfant aussi va rentrer dedans. Moi, je crois pas qu'on attend l'État faire des choses. Mokhtar. Si ma voisine va. Si l'État filtre. Oui. Si l'État s'implique. Tu sais, il y a un certain nombre de niveaux, n'est-ce pas, d'intervention du problème qui nécessite absolument l'implication de l'État, Mokhtar. Dernière fois, oui. Voici le campement. Au coup d'un mariage, bourreau d'enseignement. 4 morts parce que les enfants sont saoulés comme des puces. Subhanallah. 4 morts. Je n'ai pas dit en 1964, j'ai dit à commencer campement. Mais pourquoi? Parce que les enfants ont pu les sachets, mais personne n'y réagit. Regarde-le, laissez là. Que le 9 se disait et 4 morts. Nildo a été Will Pelli. Hal in Tsegon. Dieu n'ajoute pas. C'est Dieu qui a dit. Merci, monsieur. Faut que l'on a bien la akhirtani ila ajalin kariba. Faut que l'on a bien la akhirtani ila ajalin kariba. Faut que l'on a bien la akhirtani ila ajalin kariba. Wallahi kabirun bima ta'amaluna sadaqallahu al'azima. Donc nin mulun sila yaslo wala nuke yem kaway tabore. Ça veut dire quoi? Tu prends un couteau, tu te fous ça dans le ventre, ton jour est arrivé. Ah dangale sila. Et comme tu le dis tout à l'heure là, nous on est là et puis nous il y a un pistolet. Oui. Je te fous ça dans la jambe. Il y a l'on laissé là. Alors il connaît comment il faut pas parler. Non, laissez là. Non, on le maté. Non, c'est ça. Il va faire l'eau. Ça m'a tué. Il allons laisser là. Tu vois. Non, ni on le maté, il veut faire. Pardonnez. Moi je voulais pas parler. Tu te vas comme quoi? Mais n'a pas comment de faut une cap penser un peu à nous. Parce que un bon musulman, il peut pas m'asseoir à côté de vous. Puis vous êtes en train de parler. Comment toi tu peux prendre engagement pour un côté de mon les gars devant nous. C'est pas bien. Ça, la fille se défendait pas là, depuis Kamuruka là. Mais Korabou, tu peux continuer ton sommeil. Peux... Non, maman, je peux pas accepter. Voilà, le point d'entrée, c'est débat. C'est débat. Il faut que tu puisses pas sortir. Il faut continuer. C'est quoi, t'as oublié de le tuer ou bien? Il faut continuer ton sommeil. Mais t'as dit, t'es imam. Et toi, tu es tué, le gars. T'as pris le couteau, tu es Mourou. Korabou. Hein? Korabou. Si c'est son jour qui arrive. Pardon, il faut continuer ton sommeil. Non, moi, il n'aime pas. Et puis. Je ne sais pas si tu es là. Mais pourquoi? Oh non, c'est mieux. Il va mourir. Indigala. Attends, on m'a dit. C'est péché ou bien? Mais ton problème avec son maladie là, ça. Il... Oui, mais le drame, depuis qu'il est parti à la mettre, en tant qu'elle a péché, il était en train de parler de un truc, d'un vieux mort. Ah oui, c'est pas Massama, je profite. L'ambassadeur Touré Bazoumana qui m'a envoyé un boubou. Voilà. Tout dernièrement. Pour moi, il a, oui, l'ambassadeur m'a donné un boubou. Pour me le mettre? Pour moi-même. Tiens. Parce qu'il m'avait promis le boubou à la Mecque, malheureusement, il n'a pas pu me le mettre. Il dit la vérité. C'est quoi? Il dit le mot était dans un gloglo. Tu t'expliques. Non, il m'a appelé. Il était à l'hôtel des femmes. Ah ouais, t'as vu. Non, il était à l'hôtel des Pigou. Non, j'ai pas dit. Hein? Mais attends, je te posais une question. Bon, allez. J'ai dit, à la ouais. L'ambassadeur était dans l'hôtel des femmes. Ah, elle est pergoro. C'est pas ce que j'ai dit. Là, comment pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis l'hôtel des femmes, c'est ouais. L'hôtel où habitaient les femmes. Camaré, je t'explique. Mais c'est ça. Camaré, oui. Tu vas à la Mecque, non? L'ambassadeur était dans les hauts. Donc, un mois, il a se couru dans un hôtel. Un hôtel de gommi, les pays, c'est chocolat. Non. Qui c'est que les filles à même temps? Eh ben, dis-moi. J'ai dit, c'est affreux là. Moi, j'ai dit. Ouais. Tu es là-bas? Moi-même. Non, la mec, t'es allé biper là-bas encore. Eh, non, tu qui est fort. Subhanallah. Tu as oué tout ça là. Subhanallah. Subhanallah. On arrête ça. Que Dieu te pardonne. Karabou. Massama, je l'ai dit simplement. Tu vas aller dormir. Tu vas aller dormir. S'il te plaît. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Quand tu parles d'hôtel là, c'est un endroit pour dormir. Oui, mais c'est pour dormir. C'est un autre hôtel. Non, hôtel de femmes. Alors, c'est quand tu vois. Non, à la même. Mais oui, mais hôtel de femmes. Il y a un hôtel où il y a tous les hommes. Et puis, il y a hôtel où sont logés seulement les femmes. Et l'ambassadeur, lui, il est quoi? L'ambassadeur, ouais. Il allait m'attendre là. Non, non, lui, il est quoi? L'ambassadeur, il est garçon ou les femmes? Mais c'est un homme. Et toi, tu es garçon ou tes femmes? Je suis un homme. Alors, vous avez trouvé d'ailleurs un mouvement. Moukhtar, il est à Hedin, il est. C'est un fognonnet. Il est allé à Hedin, là, ou bien il est allé à Yorowar, là. Est-ce que tu n'as pas pété à l'hôtel, là? Mais à la Meg, là, tu veux qu'on dorme où? Ah, si là, on est hôtel, là. Aïe, matin, Hedjike. Matin. A Moukhtar et à Hedjili. Hedjite. Quand il mange, il n'a qu'à l'appeler à la Hedji. Faut qu'à ta deux ouli. Bon, j'ai dit. Vous tombez rendez-vous. Mosquée de femme. Mais si tu vas à la Meco, tu as dormi où? Quoi ça? Ne mette à Hedjike. Tous les pèlerins là. Ouais. Je t'explique. Tous les pèlerins, nous sommes logés dans un même hôtel. Tous les pèlerins de Côte d'Ivoire sont dans le même hôtel, les hommes. Toutes les femmes sont logées dans le même hôtel. Et c'est là que l'ambassadeur est allé rendre visite. Et il m'a appelé, il m'a dit, Moukhtar, viens. Quand je suis venu, il devait me remettre des boubous. Eh, si c'est comme ça, vous regardez les Hedji là. Eh. Ah si, Hedji maman. Si la maman est hôtel là. Tata Maka. Tata de hôtel là. Mais là, eh, Kavore. Hein? Attends. Hôtel, il y a le Maka là. Hein? Kavore, attends. Il n'y a pas hôtel au mec. Attends, comment vous avez fait? Hein? Attends, tu comment t'as taillé ton billet d'avion là? Mais billet, comment on fait pour avoir le billet? Voilà, ni ne connaît, c'est la maga quoi. On a plus le billet pour donner. On a plus le billet. Mais qui a plus? Ni ne connaît, c'est la faux qu'on a là. Ça, c'est clair. Subhanallah. Eh, oui, parce que hôtel, quoi, faut aller au minen. Tout le monde, quand on dit hôtel, il y a clé là. Qu'est-ce qu'on fait dans l'hôtel? Malbal yeke yoron. Alors, quelqu'un vient me dire que ouais, qu'il y a hôtel au Maka, Allahu Akbar. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Ni tabaskin na awye profite Orange Money Transfer International la awbe seka Marok tagali fana soro o kononana kasaga jigi bele bele soro ani depo Orange Money ka credit fana soro kabla aw ka portable kono ani nuson dia fin chama kadam na septembre kalo trefla katabla septembre kalo 2015 trebisabala awbe seka wari chi 4 million kele abalma uma ka wari soro 4 million kele abalma u fe kabo malila Senegal ani Burkina Faso Nao ba fuka transfer ke, awye 10, 144, etoile 5, 10 duronke. O banin kwa fe, iya jate fara nyon kan, ka nuson dia fin chaman soro. Ka oni Orange Money to nyon boro, abe tabaski ni fete nuson dia dana. Orange Money, ambiko. A fo ke il est à l'hôtel là qui tu peux pas croire ça à ton avis là j'ai dit il est à l'hôtel là qui connaît matin j'ai dit dis-moi à ton avis hein, les pèlerins vont dormir où quoi ça les 4000 pèlerins on dort où et ça va mon mon la kaba ça fois wal marwa ou hein tu me donnes fois il me chie mina non il est mon hôtel qui que tu ne peux pas partir dans l'hôtel on dormait aussi on ne peut pas dire peut pas accepter comme hôtel dans son terre sainte quand même le terre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam al katib an nabiyaba Imam al-Mursalin, vous voyez mon hôtel là-bas? J'ai dit, tu n'as pas répondu à ma question. Tu veux qu'on dorme où? Amko, Makateta Casino, on t'a va faire le Hadji. Bon, écoutez, Moka. Vraiment, Kabore, il ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est plus fort que toi. Bon, donc, moi, je me dis que faut donner du temps. Et puis, on laisse ça comme ça. Inch'Allah. On peut laisser comme ça, il faut les éclairer. Mais il ne peut pas comprendre. Les mots, on va laisser comme ça. Mais il a posé une question. Et Ivan, donc c'est même Hidji là, toi aussi t'as fait. Ah ben non, le Hidji en fait, il y en a deux maintenant, moi, il y a des gens qui sont là. Oui. Non, l'autre là, Hidji, toi, on ne le fait. Allez, t'as la Mikani. Allez, l'ambassade. Vous tirez de l'eau maintenant. Quand il y a Hidji qui est en main, la seule chose que je te répète là, pardon, va dormir. Non, non, tu n'as pas encore répondu. Non, non, pardon. Demande-lui, est-ce qu'il a fait même, hey, comme l'autre. Ah, non, s'il a dit ça seulement, n'a pas là, hôtel là, il n'a qu'à le faire. Hadji maman. D'accord, ok, on a compris. Mais Moukhtar, Inch'Allah. Vraiment, on revient au sujet là. Kabore, tu as fait un certain nombre de développements. Wallahi, Kabore, tu es dans la bouche. Tu sais, l'alcool est haram. De toutes ses formes. Et toi-même, tu as cité la sourate al-Baqara, c'est clair là-dessus. Ok, l'alcool là, c'est haram. Et mieux, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fabrique, celui qui achète, celui qui transporte, celui qui vend, celui pour qui c'est acheté, celui qui indique l'endroit où c'est vendu. Je ne crois pas avoir été exhaustif, mais tous ceux-là sont maudits. La Rockman. Tiens, tous ceux-là sont maudits. Il est maudit. Non, il faut plus il va parler ça. S'il a parlé ça encore là. Est-ce que tu comprends un peu? Faut plus il va dire qui. Mokhtar. Moi, je suis pas maudit. Tous ceux-là sont maudits. Tu es maudit. Je suis pas maudit. Tu es maudit. Plus maudit que moi. Tu es maudit. Tu es maudit. Plus maudit que moi. Là, t'as pas dit à l'hôtel, go à la mer. C'est à vous là. Il a dit quoi? Que Dieu te pardonne. Il est connu tiré carrément. Pardonne là. Toi, Karoua, on peut te comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas maudit, tu t'imagines? Et il peut se comporter comme ça? Auzubillahi minashaitanirajim. Bismillahir rahmanir rahim. Eh, je, si il t'a pas tiré, Sulaiman avait te manou ta. Attends, attends. Sulaiman nyamo wayi. Kulanga le ko kulu asulabu, il dit vous n'avez qu'à boire. Voilà. Vous n'avez qu'à manger, mais vous akala dama teme. C'est tout. Alors, si de kulanga ko abese ka dorami wo. Ka amé akala dama teme. Kabore. Ouais. C'est grave ce que tu dis. Ouais. Le Coran n'a jamais dit de boire l'alcool. C'est, je te dis quelque chose, à un moment donné comme tu étais en train de le dire. Ouais. L'alcool là était autorisé. Et à ce propos, Allah a dit, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Le côté nuisible l'emporte plus sur le côté positif. C'était pour donner aux gens à réfléchir. À un moment donné, il dit, n'approchez pas la prière en étant en état d'ébriété, en état d'ivresse. Mais après là, il a été clair, ok, en disant que l'alcool, la viande de porc, les flèches divinatoires sont haram. Et œuvre de Shaitan, éloignez-vous-en. C'est clair. Qui n'a rien éloigné ça? Et aucun musulman normal. Je dis bien, aucun musulman normal. Éloignez-vous-en. Ne, c'est même pas avec nous dire pas. Pas des gens. Éloignez-vous-en. À chaque fois, là. Alors, où est-ce que c'est quand est-ce la mort, Yerema? Pas des gens. Tu sais, en plus, en plus, Kabore ne comprend pas français. C'est compliqué. Ce que je suis en train de dire, il ne peut pas comprendre. Je suis désolé. Est-ce que tu comprends? Tu vois, non? Mais, quand ils sont mais, je te comprends. À côté de ça, quand on parle de l'émergence, tu sais, je te dis, laissez lui va parler. Mais du poisson, c'est nuisible. Moi, le poisson de la journée, c'est la nuit. Ah, c'est la nuit. Ah, mais regardez, il a contenu pour toi. Mais bon, voilà. C'est la journée. Si Kabole réfléchit, oui. Il n'a qu'à regarder Koro à bout pour voir comment l'alcool détruit l'homme. Je dis, du pas à 31 les souliers. Toi, Kabore, quand tu regardes Koro à bout, toi, tu peux souhaiter être dans cet état, mais souhaiter que ton enfant soit dans un état comme ça. Toi, Kabore. Autrement, dans un loi. Ah, et dans un état. Je maudit. Ah, donc. Toi, tu veux dire, moi, ici, maudit, quoi. Ma faute. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je savais. Et puis c'est quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? C'est-à-dire, il faut que ce soit une action communautaire. C'est-à-dire, contre ce commerce-là, ce n'est pas un commerce, c'est-à-dire, le produit qui est vendu là n'est pas indispensable pour la vie. Les gens sont en train d'enrichir en détruisant les enfants. Parce que c'est la plupart des consommateurs aujourd'hui, là, c'est les musulmans aussi, malheureusement. Ouais. Ok? Ça peut, mais écoutez, mais il faut qu'on se lève contre ça. Les gens sont libres de faire leur commerce, mais les gens n'ont aucun droit de détruire l'enfant de qui que ce soit. Ok? Mokhtar, mais quand je parle de l'État, tu dis de mettre l'État à côté. Moi, je suis désolé de ne pas mettre l'État à côté. L'État n'a qu'à faire quoi dans ça? Mais l'État a un pouvoir. Ça va payer, sachez, Boubou, l'État n'a qu'à faire quoi? Mais Mokhtar, si on interdit, je vais dire, le circuit, s'il y a une répression qui est faite. Parce que regarde, quand le produit entre à l'école, mais c'est grave. Je te prends l'émergence à l'horizon 2020. Moi, je vois ça en boîtier. Je te prends au mot. Même quand bien l'État va interdire, toi, ton frère, ton cousin, ton Djoulatier qui est au marché, il va trouver le moyen de contrecarrer, de faire entrer ça par la fraude. Donc tu veux dire que non, finalement, il n'y a pas d'issue. Il y a issue, mais... Mais oui. C'est que même quand même l'État va l'interdire, mais ton frère... Justement, moi, je pense que c'est à nos frères qu'on doit parler. Parce que c'est à nos frères que le grand... Le magasin que tu as allé à Makalou, là, c'est pour qui? Mais ouais, c'était pour un Djoula. Non, pourquoi ça fait du mot? C'était pour un Djoula. Alors? Moi, je dis pas un Djoula, mais un Djoula, ouais. Quand même l'État met tout le circuit de fermer. Mais je ne vois pas Trafic qui va faire entrer. Parce que eux, ils ne voient que l'argent. C'est la boutique de Madou, c'est la boutique de Yakuba, c'est la boutique de ceci. Mais ce que tu ne sais pas aussi, c'est que ce sachet-là, c'est inflammable. C'est-à-dire, si tu mets le sachet là-dessus, un pinot, puis tu mets du feu dedans, ça brûle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça brûle. Pour les douches de Mogola. Mais c'est comme ça, tu es en train de brûler ta cervelle et tes poumons. Oui, Korabou, mais oui. T'as quoi, quand tu bois là, ça te brûle le cœur. Ah bon, d'accord. Bon, continue. Ce que je viens de te dire en plus. Continue, encore, tu vas voir. On a, tu as entendu parler de cirrhose de foie. Ouais, j'ai entendu cirrhose de foie. Non, c'est pas ce qu'on boit là. Non, c'est une maladie d'attaque. Cirrhose de foie. Tu as entendu parler de ça? Je ne connais pas ça. Ah ah. Il est bien foutu. Il bien foutu. Mais aidez-moi, on va arrêter ça. Allez, voilà, nous voilà, moi, tu vois, non? Mais c'est pas le même Korabou. Korabou, on t'avait parlé, tu avais arrêté à un moment donné. Où tu payes? Où je paye là? Oh non, c'est un secret. Mais drogue là, où tu payes? Oui, ça aussi, c'est un secret. C'est pas dans le film là, non? Non, c'est pas dans le film là. Il y a une vieille femme en Angoua à côté là. Voilà, elle est le beau fils, quoi. Elle même, elle s'assoit souvent devant la mosquée pour prendre l'argent, tout ça là. Chez elle, elle vend ça. Les gens qui sont le plus gros marché là, ce sont nos soeurs, ce sont nos frères. Faut pas qu'on se blague, c'est ça la réalité. Non mais. Mais ce que ça vient tout aussi, ce sont nos enfants. Elle même là, quand elle envoie, elle te dit qu'il y a pour Ghana aujourd'hui. Tu sais mon cas. Pour Ghana là, c'est le plus fort. Quand elle t'envoie comme ça, que ce soit pour Pito, que ce soit la drogue, pour Ghana et puis pour Nigeria, quand elle te dit il y a ça là, non. Ça c'est 48, c'est 48. Quand tu prends ça, non. Mais on entre nous ici, on va dire à quelqu'un, où vous payez les trucs là, les drogues là, où vous payez. Ouais, ça il dit là, c'est la vieille femme là. C'est une femme en Angola, elle est bien, elle est bien, tout le monde l'Angola. Non mais à part la femme en Angola, qui d'autre vend? Oui, il y a le tout aussi, puis on a les frères là, à la gare là. Voilà, les chefs de syndicat là, Abitiamambolo quoi, et ils nous donnent ça, tu vois non. Et puis au ghetto aussi, oui, il y en a, tu vois. Après ça, où prenez ça encore? Voilà, il y a des boutiques qui sont, tu vois nos boutiques même, tu vois souvent dans les rues, tu sais, par exemple, Trévis, les avenues 8 là, tu vois les grands magasins, tu vois comme ça là, tu vois on vend Piné, mais le truc même se vend en bas, ça se vend, à jamais aussi là. Non, vers la grande mosquée là, c'est gâté. Et dans les cafés? Non, ça mais on parle pas. Quand tu tapes 1, 2, 3, c'est fini. Le gars te glisse en bas. Et dans les cafés? Ouais, les cafés noirs, nous, tu sais, on a tout ça là, ça est là-bas. Voilà. Non, mais donc en fait, c'est un problème qui est là. Ouais. Tu vois, en fait, souvent, on se dit que mon enfant n'en consomme pas, ça ne m'intéresse pas. Mais malheureusement, ton enfant, tu ne maîtrises pas ses mouvements en dehors de chez toi. Ouais. Ok? Et Korabou, on avait parlé à un moment donné, c'était ressaisi. Mais aussi, il y a les mauvaises fréquentations. Absolument. Il y a les mauvaises fréquentations. Quand tu vois, tu ne priais pas Dieu pour les gens. Mais Korabou, on a prié Dieu pour toi, tu es tellement têtu. On prie Dieu pour toi, ça ne prend pas. Dieu vous prie, Dieu n'entend pas. Changer manière de prier. Oui, mais toi-même là, tu fais quoi aussi pour changer? Oui, ça aussi, c'est vrai. Ah, hein. Toi-même, tu fais quoi pour changer? C'est vrai. Ah, mais c'est ça là le problème, mon ami. Mais si tu veux que ton habit sèche, mais garde la voix, tu veux. À la gare. C'est à la gare, là, c'est seulement pour arrêter à la gare, il faut rafler tout le monde. Il faut rafler même gars. Voiture, il faut les rafler. Chauffeur, rafler. Tous les gars, c'est gâté. Coxer, c'est gâté. Voilà, c'est un concept. C'est-à-dire, si tu veux être coxer, tu es obligé de rentrer dedans. Non, donc tu l'as payé apprenti la soirée dedans. Tout le monde. Alors, Inch'Allah. En tout cas, on va continuer de prier. Voilà. Il faut prier. Kabore n'a fait que raconter des conneries. Un musulman. Et moi, je n'ai même pas encore rencontré un musulman normal qui soutient que l'alcool, c'est haram, il faut le retenir. Ça, c'est un, et puis il faut s'en éloigner. Bon, ça, c'est ça. Maintenant, qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, en tant que parents, à prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants respectifs, à nous mettre ensemble pour pouvoir combattre. Même quand on parle des microbes et tout ça, mais tu crois que c'est un état de lucidité qu'ils opèrent? Franchement, un microbe ne peut pas opérer s'il est lucide. Enlevez vos têtes dessus, un peu, si ce sont nos petits. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide. Amin. Et qu'Allah nous aide à assainir. Amin. Mais moi, je reviens encore à l'État. Et si l'émergence 2020, là, ce n'est pas seulement les infrastructures. C'est avec les hommes, n'est-ce pas, compétents, lucides, qui ont toutes leurs facultés, qui sont en bonne santé, physique, surtout mentale, intellectuelle. Donc ça veut dire que c'est pas avec les drogués que le pays va se développer. Ah, franchement, les drogués qui sont ici là, eux, ils sont pas dedans. Bon, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.